Chapitre 25e. L'anneau de fer. De village en village, de bourg en bourg, de ville en ville, nous arrivâmes à Calcutta, et ce fut là qu'une fois de plus ma vie changea. Voici comment. Nous étions depuis longtemps déjà dans cette grande cité où Mukunji trouvait sans cesse à nous occuper. L'anglais qu'il avait appris dans sa jeunesse lui était parfois d'un grand secours. Il y avait plusieurs jours que nous travaillions sur le port, où l'on nous employait à décharger les vaisseaux. Les fardeaux très lourds ne mettaient rien à porter, et Mukunji, alerte et insinuant, rendait mille services aux voyageurs et aux matelots. Il gagnait assez largement notre vie, mais, hélas, il n'en résultait guère pour lui que des accès d'ivresse plus fréquents et plus terribles, et pour moi que des coups et des humiliations. Souvent il s'en allait avec quelques autres, boire dans les tavernes qui avoisinaient le port, et je restais seul à attendre son retour. Il savait bien que je lui resterais fidèle. Or, un matin, nous venions d'aider à décharger un assez gros navire de commerce, et Mukunji m'avait laissé mangeant quelques légumes et était allé boire, quand, au même quai, aborda un paquebot avec de nombreux passagers. Je me désolais, voyant que mon maître allait manquer une occasion de gagner peut-être quelques roupies, et je ne pouvais me mettre à le chercher au hasard. Le plus sage parti était de l'attendre avec patience, et c'est celui que je pris. Mukunji pouvait venir à temps encore, pourvu qu'alors il ne fût pas ivre. Je regardais donc les passagers qui débarquaient. C'étaient des Européens et surtout des Anglais qui couraient ça et là, cherchant leurs paquets, interpellant les porteurs, ne se faisant pas comprendre et ne comprenant pas ce qu'on leur disait. Le spectacle qu'ils donnaient me divertissait assez, et j'observais chacun attentivement, essayant de deviner, d'après son aspect et son air, comment il allait agir. Je ne fus pas long à remarquer parmi ceux qui débarquaient un groupe d'individus dont le calme contrastait avec l'agitation des autres. Ils étaient une vingtaine environ, à peu près autant d'hommes que de femmes, jeunes presque tous, et vêtus avec une correction et une élégance parfaites. Il ne semblait pas que le voyage les eût fatigués. Ils se rangeaient sur le quai sans s'étonner de rien. L'un d'eux, avec le plus grand flegme, passa au bout d'un instant la troupe en revue, et ayant constaté que personne ne manquait, « Nous pouvons aller à l'hôtel, » dit-il à ses compagnons. Puis, s'adressant spécialement à un jeune homme, « Je vous prierai, monsieur Oldham, de vouloir bien rester ici et de surveiller le débarquement de nos bagages. »« Oui, monsieur John Hardwick, je resterai. » Et sauf monsieur Oldham, la troupe s'éloigna en bon ordre. J'examinai curieusement monsieur Oldham. C'était un singulier jeune homme. Il était grand et maigre, les jambes très longues, les bras très longs aussi, et il avait des mains énormes. La tête était assez petite. La bouche se fendait jusqu'aux oreilles, et les joues saillaient étrangement. En attendant qu'on débarquât les bagages de ses compagnons, M. Oldham arpentait le quai à grands pas un peu impatient et grommelant des mots indistincts où je ne comprenais rien. J'étais désolé que Mukunji fût absent. Ces étrangers, pensais-je, doivent avoir de nombreux bagages, peut-être fort lourds, et certainement, si mon maître était là, nous trouverions du travail. Tout en réfléchissant ainsi, je jouais machinalement avec un gros anneau de fer qui était à mes pieds. Il avait été jadis scellé dans le sol, mais il ne tenait presque plus, et en jouant, je l'avais involontairement arraché. Je m'amusais maintenant à le faire sauter en l'air, et quand il retombait, je le recevais au bout de ma trompe. Tout à coup, les regards de M. Oldham tombèrent sur moi, et il se mit à m'observer attentivement. Le jeu qui m'occupait sembla l'intéresser fort et il demanda à un des hommes attachés au service du port « Connaissez-vous le maître de cet éléphant ?»« Certes, » répondit l'autre, « c'est un pauvre homme qui s'emploie à décharger les navires. »« Il est le maître d'un animal bien intelligent. » Et ce fut tout. Pourtant, M. Oldham ne cessait de me regarder, et moi, je mettais mon amour-propre à ne jamais manquer l'anneau chaque fois qu'il retombait. Et M. Oldham poussait des « Ah !» et des « Oh !» admiratif, et il murmurait « L'éléphant jongleur, voilà un titre qui ferait bien sur nos affiches. » Cependant, on commençait à décharger les bagages de M. Oldham et de ses amis. C'étaient de grandes caisses aux formes bizarres. C'étaient des paquets de cordes, des paquets de bâtons et minces objets emballés à peine et dont je ne pouvais deviner l'usage. Puis l'on sortit du navire de grands chariots, des cages avec des animaux divers, et enfin je vis amener des chevaux qui semblaient encore tout étonnés du voyage qu'ils avaient fait. « Voilà d'étranges voyageurs, me disais-je, et qui traînent avec eux de curieux bagages. » On chargea les caisses et les paquets sur les chariots auxquels on attela les moins beaux des chevaux. Les hommes, qui étaient évidemment les serviteurs de M. Oldham et de ses compagnons, prirent les chevaux à la bride ou montèrent sur les chariots, et tous allaient quitter le port quand revint enfin Mukunji. Il n'était pas très ivre et il alla offrir à M. Oldham ses services. Il était trop tard, mais comme il indiquait que j'étais à lui, M. Oldham lui dit « Ah, vous êtes le maître de cette intelligente bête. Alors venez donc à l'hôtel Victoria et demandez M. John Hardwick, directeur du grand cirque des deux mondes. Il est possible qu'il ait à vous parler. » Et M. Oldham s'éloigna avec les chariots chargés de bagages. Mukunji ne songea pas d'abord à aller voir M. John Hardwick. Il ne comprenait pas ce que pouvait lui vouloir le directeur du grand cirque des deux mondes. Mais le hasard, sans doute, fit que pendant deux jours, le travail nous manqua presque et nous dûmes à peu près jeûner. C'est alors qu'il se rappela l'invitation de M. Oldham. Il pensa que M. John Hardwick, s'il n'avait rien de sérieux à lui proposer, s'apitoierait tout au moins sur son sort et lui donnerait quelque aumône. Il me recommanda, et c'était une recommandation bien superflue, la sagesse et la patience, et il se rendit à l'hôtel Victoria. Chapitre 26e. Le grand cirque des deux mondes. Au bout d'une heure environ, Mukunji revint. Il était tout joyeux. Il gambadait et chantait, et quand il fut près de moi, il m'embrassa la trompe et il me parla. « Ah, mon bon compagnon, mon brave ami, comme le sage a raison de dire, pour qui a du talent, il n'y a pas de terre étrangère. Pour qui est content de peu, il n'y a pas de chagrin. Pour qui a de la fermeté, il n'y a pas d'accident. Pour qui a de la résolution, il n'y a rien d'impossible. » Comme elle est juste, cette sentence, et non moins que celle-ci. La vie des êtres est instable comme le reflet de la lune dans l'eau. Puisqu'on sait quelle est elle, il faut pratiquer la vertu. Oui, oui, il faut pratiquer la vertu. Et c'est parce que je la pratique, parce que j'ai supporté gaiement et résolument le malheur, qu'aujourd'hui les dieux m'envoient un sort moins mauvais. » Il s'interrompait, dansait autour de moi, battait des mains, et il reprenait. « Oui, oui, mon bon, la vie est instable, comme le reflet de la lune dans l'eau. J'aurais raillé celui qui, dans ma jeunesse, quand j'étudiais à Lahore, les livres des sages, m'aurait dit qu'un jour je déchargerais des navires sur le port de Calcutta. Et hier, j'aurais ri de qui m'aurait affirmé que ce soir j'appartiendrais à la troupe de M. John Hardwick, directeur unique du grand cirque des deux mondes, et tout cela, pourtant, est arrivé. » Il m'embrassait encore et il parlait toujours. « Oh, mon ami, mon sauveur, toi qui es peut-être gagné ça lui-même. Oui, désormais, nous aurons un abri sûr. Nous ne serons plus exposés à coucher par les nuits pluvieuses, dans les fossés des routes, et nous ne craindrons plus la faim. Nous vivrons heureux, mon ami, hébergés et payés par le bon M. John Hardwick, et peut-être avons-nous trouvé la fortune. » Et il racontait son entrevue avec le directeur du cirque. J'arrivai à l'hôtel Victoria. Je demande à M. John Hardwick, et l'on m'introduit auprès d'un homme jeune encore, mais grave, d'une gravité telle que j'avais peur, moi qui n'ai jamais tremblé. Car ainsi que l'a dit le sage, dans la forêt, dans les bois au chemin ardu, dans les rues de misère, parmi les troubles, sous la menace des épées, les hommes vertueux ne connaissent pas la peur. M. Hardwick avait auprès de lui ce jeune homme qui m'avait parlé l'autre jour et qu'il appelait M. Oldham. En me voyant, M. Oldham dit à M. Hardwick, « Ah, c'est cet homme dont je vous ai parlé et qui possède cet éléphant si intelligent. » Et voilà qu'il fait ton éloge, racontant je ne sais quelle histoire où je ne comprenais pas grand-chose, où sans cesse il était question d'un anneau de fer avec lequel il t'avait vu jongler. Bref, M. Hardwick me demande si je veux te vendre. « Moi, vendre mon ami, m'écriai-je, vendre un éléphant qui m'a été envoyé par les dieux, qui peut-être est un dieu, jamais, jamais. » « C'est dommage, » reprit M. Oldham, « cet éléphant eût fort bien complété notre troupe. » « Tant pis, » dit M. Hardwick, et j'allais m'en aller quand M. Oldham me retint d'un signe et s'adressant à M. Hardwick. « Mais, monsieur, il y aurait peut-être un moyen de tout arranger. » Si vous engagiez à la fois l'éléphant et le maître. Laissez-moi réfléchir 5 minutes, répondit M. Hardwick. Oh, M. Hardwick est un sage et qui sait vite prendre des décisions. Les 5 minutes écoulées, il me dit, voulez-vous accepter de faire avec votre éléphant partie de notre troupe? Moi, je n'avais pas besoin de réfléchir, ne fût-ce qu'une minute pour accepter. Je ne savais pas bien, à vrai dire, à quel métier M. John Hardwick nous emploierait. Mais il semblait un homme riche, qui nous assurait au moins la vie. Et j'ai dit oui, et je ne crois pas avoir lieu de m'en repentir. » Et de nouveau, chantant, riant, Mukunji gambadait autour de moi, puis redevenant sérieux. M. Oldham, avec qui me laissa M. Hardwick, m'apprit quel est le métier de celui-ci. Il montre en somme des animaux savants et ses compagnons font des tours de force et d'adresse. Maintenant donc, ô mon ami, au lieu de te fatiguer en de durs travaux, tu vas, par ton habileté, divertir les curieux, et nous ne manquerons plus de rien. » Je dois l'avouer, je ne me sentais pas aussi heureux que mon maître. Autant j'aurais eu plaisir à amuser des êtres chers comme Saphir du Ciel et Parvati, autant je me sentais peu porté à réjouir des indifférents. Ma vie présente était certes bien dure, mais du moins je pouvais être triste, tandis qu'à l'avenir, je le comprenais, il me faudrait paraître gai à des heures marquées d'avance, et même si alors les plus amères pensées me torturaient. Pourtant, je ne voulus pas troubler le bonheur de Mukunji, et je répondis à sa joie par des signes amicaux. Bientôt, nous quittâmes le port et nous allâmes rejoindre M. John Hardwick. Et c'est ainsi que j'entrai dans la troupe de M. John Hardwick, directeur du grand cirque des deux mondes. Le soir même, M. John Hardwick nous présenta à sa troupe. Il avait loué un terrain vague où il avait dressé son cirque. C'était une grande bâtisse en bois et en fer, qu'on pouvait monter et démonter très rapidement, et qui, construite, était d'aspect élégant et confortable. On n'eût jamais dit que quelques heures suffiraient pour en désajuster tous les morceaux et les charger sur des chariots. Elle se composait de deux parties contiguës, le cirque proprement dit, la piste et les gradins pour les spectateurs, et les écuries, avec quelques chambres où étaient logés les palefreniers et les personnages secondaires de la troupe. Les personnages importants logeaient à l'hôtel, comme le directeur. Quand nous fûmes arrivés au cirque, M. Hardwick désigna d'abord la place que j'occuperais à l'écurie et la chambre que Mukunji, qui ne voulait abandonner à personne la tâche de me soigner, partagerait avec un des palefreniers. Puis nous entrâmes sur la piste où la troupe était réunie. C'étaient bien les mêmes gens que j'avais vus débarquer 3 jours auparavant. Le directeur parla ainsi. « Messieurs et mesdames, je vous présente M. Mukunji, le propriétaire de cet éléphant. L'éléphant est, m'a dit mon spirituel ami, M. Oldham, une bête remarquable, à qui il a vu exécuter un tour difficile et intéressant sans que personne l'ait dressé. C'est un sujet qui fera honneur à notre troupe, déjà si bien composée. Accueillez donc avec amitié l'éléphant et le maître. » Très correctement, les membres de la troupe vinrent, chacun à son tour, saluer Mukunji et me caresser. Et au fur et à mesure, M. Hardwick, s'adressant à Mukunji, les nommait par leur nom et indiquait leur emploi. « M. Oldham, monsieur, notre premier clown et régisseur que vous connaissez déjà. M. Edward Greathorse, notre premier écuyer. Et Mrs. Greathorse, une des plus distinguées équilibristes qui soit, et leurs deux enfants, le jeune M. William Greathorse, qui n'a pas son pareil pour crever un cerceau en papier et retomber d'aplomb sur un cheval, et la charmante Miss Annie Greathorse, qu'a séduite l'étude du trapèze et qui connaît déjà tous les secrets de cet art difficile. » Monsieur et Madame Greathorse ne me plurent qu'à demi. Monsieur Greathorse était un homme très grand, très sec, qui semblait âgé d'une 40aine d'années. On sentait à le voir qu'il était habitué à parler à ses chevaux, et à leur parler rudement. Madame Greathorse avait à peu près le même âge que son mari et était aussi grande que lui. Mais autant il était maigre, autant elle était grosse. Son visage, vulgaire, avec un air de dureté, et son nez était singulièrement aplati. J'en compris plus tard la raison. L'exercice favori de Madame Greathorse était de tenir, en équilibre sur son nez, un bâton avec au bout une grosse boule de fer. Le jeune Monsieur Greathorse, à qui l'on pouvait donner 17 ou 18 ans, me déplut tout à fait, tant il avait l'air sournois. Il ne devait se plaire qu'à jouer à ses camarades les plus méchants tours. Seule, de cette famille, Miss Annie m'inspira quelque sympathie. C'était une jeune fille, presque une enfant encore, de 15 ans environ, d'aspect assez chétif, et à qui le trapèze avait, outre mesure, développé les bras. On devinait qu'elle se fatiguait trop et qu'elle souffrait. Sa figure était agréable, douce et pâle, et elle avait de jolis cheveux blonds. Après les Greathorse vinrent 6 personnes qui se ressemblaient tous, bien que le plus âgé parut 35 ans et le plus jeune 9 ou 10. Ils souriaient tous du même sourire qui semblait figé sur leurs lèvres. « Les frères Smith, monsieur, » dit M. Hardwick, « de bien recommandables gentlemen. Tant qu'on ne les a pas vus faire la pyramide humaine, on ne sait pas ce que c'est que l'acrobatie. » Les frères Smith saluèrent, souriant toujours. Puis ce fut une jeune femme, fort élégante et gracieuse. « Miss Morley, monsieur, vous l'admirez dans ses exercices de haute école, notre savante Amazone, monsieur. » Après Miss Morley, s'approchèrent 3 hommes et 3 femmes, ni grands ni petits, ni gras ni maigre, ni beau ni laid, mais très correct. Nos écuyers écuyères, monsieur, Monsieur Crampton et Mrs. Crampton, Monsieur Hampton et Mrs. Hampton, Monsieur Mapton et Mrs. Mapton. Successivement ensuite, Monsieur John Hardwick présenta Monsieur Nilobong, monsieur, le fameux gymnaste tonkinois. Les sœurs Ulverstone, Miss Jane Ulverstone et Miss Lucy Ulverstone, monsieur, qui chaque soir éblouissent les spectateurs par leur adresse à la barre fixe, monsieur. Monsieur Pound, monsieur, pour qui soulever 200 livres est un jeu. Et Mrs. Pound, son épouse, la fée du revolver et de la carabine, monsieur. À 100 pas, elle ne manquerait pas une noisette, monsieur. Monsieur Tom Liverpool, le lutteur admirable que nul n'a pu renverser, monsieur, et qui terrasserait des géants, monsieur. Miss Alice Jowell, monsieur, qui sur un fil de fer traversera le Gange, là où il est le plus large. Tous ces personnages étaient assez insignifiants. Monsieur Nilobong avait beau se dire tonkinois, y avoir les yeux un peu bridés, son teint prouvait qu'il était européen. Monsieur Pound et Monsieur Tom Liverpool étaient deux hommes énormes, d'aspect peu intelligent. Mrs. Pound était une femme toute petite, toute maigre, l'air assez rebêche. Miss Jane et Lucy Ulverstone et Miss Alice Jowell étaient de correctes jeunes filles, assez jolies et qui saluaient aimablement. Il ne restait plus à présenter de la troupe que 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes. Les 2 hommes se ressemblaient fort, et tous 2 rappelaient M. Oldham. Mais les traits qui, chez M. Oldham, n'étaient que comiques, s'accentuaient chez eux jusqu'au grotesque, et le grotesque de leur personne frappait d'autant plus qu'ils affectaient d'être graves. Quand vint leur tour, « Monsieur Trick et M. Trock, monsieur, » dit M. Hardwick, « je pourrais les affirmer les plus spirituels clowns qu'il y ait au monde, si eux-mêmes ne s'inclinaient devant la supériorité de M. Oldham. Ils sont les enfants chéris de la gaieté. » Messieurs Trick et Trock saluèrent Mukunji, et une jeune femme très belle, qui avait de grands yeux noirs et d'épais cheveux dorés, s'approcha. « Miss Sarah Skipton, monsieur, la divine artiste à qui nous devons la danse lumineuse. » En inclinant aimablement la tête, salua Miss Sarah Skipton, et enfin, M. Hardwick présenta une jeune fille qui semblait la grâce même, avec ses cheveux d'un blond délicat et ses yeux bleus qui étaient un sourire. Miss Sarah Skipton est, pourrait-on dire, l'étoile de notre troupe. Miss Circe Nightingale en est la perle, monsieur. C'est la douce charmeuse des oiseaux, et vous la prendrez pour quelqu'une de vos déesses quand vous la verrez parmi son cortège de fauvettes et de rossignols. Miss Circe Nightingale sourit gracieusement à Mukunji, et de sa jolie main me caressa longuement, et je la remercie amicalement déjà. En somme, à part Mr. Greathorse, Mrs. Greathorse, le jeune Greathorse, et aussi Mrs. Pound, tous ces gens paraissaient plutôt agréables, et il ne me sembla pas qu'il dût être trop pénible de vivre avec eux. Et même, pour 4 des jeunes femmes qui étaient de la troupe, je me sentis dès lors de la sympathie. L'élégance de Miss Clare et Morley me charmait. Sans doute Miss Morley était douce aux animaux, et ce ne devait pas être avec des coups qu'elle dressait les chevaux. Pour Miss Annie Greathorse, j'éprouvais de la pitié. Je comprenais qu'on la maltraitait, qu'elle était malheureuse, et je pensais déjà que je pourrais peut-être la protéger. J'admirais l'éclatante beauté de Miss Sarah Skipton, et la grâce enchanteresse de Miss Circe Nightingale me séduisait, et je me disais « Ici je me ferai 4 amis, et j'aurai 4 ennemis. » Quand toute la troupe eut été présentée, M. John Hardwick dit à Mukunji « C'est ce soir que, pour la première fois, nous jouons à Calcutta, et je voudrais le plus tôt possible présenter votre éléphant au public. D'abord, quel est son nom ?» Comme un jour de détresse il vint me trouver je ne sais d'où, et comme il m'apporta de la consolation, je l'appelle Devadatta, ce qui, dans notre langue, signifie « donné par les dieux ». C'est bien. Sur nos affiches, nous l'appellerons donc le fameux éléphant Devadatta. Mais dites-moi, ne représentez-vous pas un de vos dieux avec une tête d'éléphant? Le divin Ganesha, dieu de la sagesse, à la tête d'un éléphant. Parfait, s'écria M. Hardwick. Le fameux éléphant Devadatta, frère de Ganesha dans ses divers exercices. Voilà ce que portera notre affiche. « Ne sera-ce pas bien, M. Oldham ?»« Ce sera très beau, » dit M. Oldham. « Maintenant, » reprit M. Hardwick, « il faut voir quels exercices nous lui enseignerons. C'est vous, M. Oldham, qui l'avez découvert. C'est vous que je charge de son éducation. »« Vous m'honorez, M. Hardwick. Elle sera promptement terminée. D'abord, je veux lui faire répéter devant vous le jeu auquel il se divertissait sur le port. » M. Oldham fit apporter un anneau de fer. « Je compris qu'il fallait jouer avec comme j'avais joué sur le port. » M. John Hardwick fut satisfait de cette épreuve. « C'est très bien, » dit-il. « Il faudrait qu'il joue avec plusieurs anneaux à la fois, et ce serait parfait. Dès demain, il pourra débuter. » On apporta plusieurs anneaux, tous, successivement, je les lançais en l'air et les recevais au bout de ma trompe. Je n'en manquais pas un, et M. Hardwick était ravi. Chapitre 27e, mes débuts. Aussi, dès le lendemain, lisait-on sur l'affiche du grand cirque des deux mondes le fameux Devadatta, frère de Ganesa, éléphant jongleur. Le soir, quand la représentation commença, j'étais peu ému, mais j'étais assez humilié. Que dirait Parvati si elle me voyait, pensais-je. Je vais divertir la foule par de vils exercices, et si j'ai le malheur de laisser échapper un anneau, peut-être serais-je battu. M. Oldham m'a l'air assez bienveillant, mais M. Greathorse me traiterait peut-être fort mal, ou tout au moins me menacerait, comme il menace les chevaux qui tournent en ce moment autour de la piste. Pour ouvrir la représentation, en effet, il y avait un exercice équestre par MM. Crampton, Hampton et Mapton. Il s'agissait de faire sauter aux chevaux divers obstacles, et près de la porte, je pouvais voir assez bien. M. Greathorse, debout au milieu du cirque, un fouet énorme à la main, cinglait l'air de grands coups, pour exciter les pauvres bêtes, et quand l'une d'elles, malgré le bruit du fouet, malgré les efforts de son cavalier, faisait mine de regimber devant un obstacle, il la menaçait avec le manche du fouet, et je voyais qu'il eût été joyeux de passer de la menace à l'acte. Après M. Crampton, Hampton et Mapton, paraissaient les sœurs Ulverstone. Mais tandis qu'on préparait leur barre fixe, trois singuliers personnages se précipitèrent dans le cirque, l'un faisant la roue, l'autre marchant sur les mains, le troisième se désarticulant en une série de culbutes. Ils étaient vêtus d'un vêtement très ample, d'une seule pièce, bariolé de dessins bizarres. Ainsi l'un avait un soleil au milieu du dos et sur la poitrine, sur l'autre s'étalait un crapaud fantastique. Tous trois s'étaient enfarinés le visage et portaient une perruque de filasse blanche ou rouge avec une longue mèche au sommet de la tête. Ils divertissaient le public par mille facéties extravagantes. Ils échangeaient de grands soufflets, se jetaient par terre l'un l'autre, se relevaient brusquement. Ils feignaient d'aider les serviteurs qui tendaient les cordes destinées à fixer la barre et sans cesse tombaient dans les plus grotesques positions. Et le public riait bien haut de leur folie. J'examinai avec soin ces trois personnages, et sous la farine je finis par retrouver les traits de M. Oldham et ceux de Messieurs Trick et Trock. J'en restai tout surpris, et je fus un peu choqué d'avoir pour précepteur un gentleman qui manquait à ce point de dignité. Et entre chaque numéro du programme, M. Oldham et Messieurs Trick et Trock commençaient leur plaisanterie. La représentation se continuait fort bien. Les éloges que M. Hardwick avait décernés à ses compagnons en nous les présentant me semblaient mérités. Les frères Smith étaient d'une agilité merveilleuse. Ces Mrs. Greathorse semblaient désagréables à vivre, c'était une adroite équilibriste et Miss Alice Jewel était sur la corde raide d'une grande dextérité. Les écuyers, les écuyères montaient habilement et je fus ravi par les gracieux mouvements qu'avait à cheval Miss Clary Morley. Elle ne frappait pas son cheval, elle ne l'excitait que par des paroles amicales. Seule la pauvre Annie Greathorse me fit souffrir. Je la sentais si mal à l'aise sur son trapèze. C'était après elle que devait paraître le fameux Devadatta. Et je parus. Mon succès fut grand, on m'applaudit. Quand je rentrais, on me caressa. Et pourtant je n'étais pas joyeux. La moindre caresse de Parvati m'eût été plus douce. Dans la représentation, la fin me charma plus que tout le reste. On terminait en effet par les oiseaux de Miss Circe Nightingale et par la danse lumineuse de Miss Sarah Skipton. On amenait au milieu du cirque une volière, pleine d'oiseaux divers qui chantaient harmonieusement. Puis parut Miss Circe, charmante en une robe claire azur, et avec, autour de la taille, une ceinture d'argent. Un peigne d'argent retenait ses fins cheveux blonds et les parait d'un éclat atténué. À la main, elle tenait une flûte d'argent. Elle vint à la volière. Elle en ouvrit la porte. Et les oiseaux s'échappèrent, voltigeant gaiement autour d'elle et parfois se posant sur son épaule. Elle leur souriait en amie, et un geste qu'elle fit, tous s'envolèrent vers le plafond du cirque. Alors elle joua de la flûte et les oiseaux lui répondaient, et l'on ne savait plus si son chant n'était pas le chant d'un oiseau. Elle pressa le rythme de l'air et les oiseaux redescendirent vers elle. Et ils volaient autour de sa tête et semblaient la couronner d'une vivante couronne. Sans cesse elle changeait le rythme de la chanson. Et les oiseaux familiers formaient de nouvelles figures, toute gracieuse, et l'on eût pris la douce charmeuse d'oiseau pour quelque reine du ciel. Et quand la flûte se tut, les gais amis de Miss Circé rentrèrent dans la volière, et ravis, les spectateurs applaudirent, unanimes. Où était la volière? On amena une assez grande estrade. Là monta Miss Sarah Skipton, vêtue d'une ample robe blanche, d'étoffe légère, aux plis nombreux, et ses beaux cheveux flottaient sur ses épaules. Puis on éteignit les lustres. Seules quatre lampes, quatre lanternes plutôt, restèrent allumées, qui dardèlent leurs rayons sur l'estrade, entourant Miss Sarah d'une gloire lumineuse. Devant les lampes, on faisait passer des verres de couleur, et parmi les lumières, changeantes sans cesse, Sarah dansa. Elle dansait, légère et vive, ou lente et languissante, et sa robe, rouge, verte, jaune, violette alternativement, ou encore de plusieurs couleurs à la fois, tourbillonnait autour d'elle. Et la femme devenait fleur, papillon, oiseau. Elle était l'aurore, elle était le crépuscule, elle était l'orage aux mille éclairs, elle était la mer souriant au matin, elle était les pierres précieuses, elle était le soleil victorieux. Et soudain, les lustres se rallumèrent et tous acclamaient Sarah triomphante. La représentation était finie. Modestement, je rentrai à l'écurie, ébloui encore de la danse lumineuse.